الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم، عليه أفضل السلام والتسليم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعادنا الله وإياكم من النار إن شاء الله تعالى. Nous rentrons donc dans notre troisième épisode de notre série Les califes bien guidés, le califat du Mahdi. Et avant d'évoquer de rentrer dans le vif du sujet, déjà j'aimerais souligner que nous sommes toujours sous le califat de Abu Bakr. Nous avions commencé dans l'épisode précédent à évoquer les débuts du califat de Abu Bakr. Nous allons commencer à rentrer dans les détails des actions, et en particulier dans comment se sont passées les conquêtes. Et avant d'évoquer le message adressé par Abu Bakr Siddiq Khalid Ibn Walid, j'aimerais indiquer que directement après la guerre d'apostasie, la guerre des apostats contre les apostats, Al-Musanna ibn Haritha, qui était de la tribu de Bakr ibn Wa'il, et dont nous avons évoqué la vie dans notre série Ma'at Tabi'in, il était implanté dans le nord de la péninsule arabique, au sud de l'Irak. Il se présenta à Abu Bakr Siddiq pour lui demander sa permission afin de combattre les Perses avoisinants et pour lancer quelques raids contre eux. Il s'adressa donc à Abu Bakr en lui disant « Ô calife du messager d'Allah, envoie-moi à la tête de mon peuple, car il se trouve parmi eux des musulmans avec lesquels je peux combattre les Perses. Je te suffirai avec ceux qui sont à mes côtés contre l'ennemi. » Et Abu Bakr Siddiq accepta sa requête. Et de là, Al-Musanna commença immédiatement à mener quelques attaques contre les armées du sud de la Perse. Et ensuite, il envoya un message afin de demander des renforts à Abu Bakr, lui disant: si tu m'envoies des renforts et que les Arabes ont vent de cela, ils accourront à moi. Et Allah avilira les idolâtres. Je t'informe, malgré cela, que les étrangers nous craignent et nous redoutent. Fin de citation. En réalité, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu ne réfléchit guère longtemps et envoya ensuite, suite à cela, un message à Khalid ibn Walid, qui se trouvait à Al-Yamama. Al-Yamama, c'est une région qui est située à l'est du plateau du Nejd, en Arabie. En lui disant: Allah t'a certes accordé la victoire, dirige-toi maintenant vers l'Irak et commence par conquérir Al-Ubulla. Donc, afin de comprendre ces événements-là, nous allons essayer de passer en revue la situation qui s'est passée à l'époque de Abu Bakr. Pour qu'on puisse bien comprendre les circonstances de cette époque-là. D'un côté, l'état des musulmans sous le califat de Abu Bakr était en situation de faiblesse. Et il n'avait pas... il ne vivait pas dans la stabilité et qui sortait tout juste de guerres internes, les guerres contre les apostats que nous avons citées, qui ont fait rage pendant une année entière et qui exigèrent donc l'envoi de 11 armées en même temps à 11 endroits différents de la péninsule arabique. Et concernant ses habitants, il se trouvait parmi eux celui qui persistait sur l'apostasie, ainsi que celui qui était resté fermement accroché à l'islam sans jamais abjurer sa foi. Mais la participation de ce dernier à de nombreuses batailles avait fini par l'épuiser. Il se trouvait ainsi parmi eux le blessé et celui qui avait été tué au combat. Quant à celui qui était en bonne santé, la guerre l'avait complètement mis en pièces, comme ce fut le cas lors de la bataille de Yamama et des guerres du Yémen. Et à l'ombre des conditions difficiles donc qui voyaient l'armée musulmane éparpillée à plusieurs endroits, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu ordonna depuis Médine à Khalid ibn Walid, qui lui se trouvait à Yamama, de se diriger vers l'Irak et de conquérir la Perse, malgré les difficultés dans lesquelles se trouvaient les musulmans qui étaient sous les ordres de Khalid ibn Walid. Et il n'attendit donc pas le retour de Khalid, ni ne prit le temps d'étudier avec lui la situation. Il n'a pas attendu que Khalid revienne à Médine pour qu'il commence à réfléchir à la situation avant de l'envoyer en Irak. Et de l'autre côté, l'État perse, étendu de l'ouest de l'Irak jusqu'à la Chine, comprenant donc l'ensemble de l'Irak, et qui voyait la Chine ainsi que l'Inde verser à son empereur l'impôt de décapitation, ce qui signifie que quasiment toute l'Asie ainsi que la frontière de la Chine faisait partie de l'État perse, la Perse de l'époque. Et donc, en plus de posséder un vaste empire et une force donc allant jusqu'à soumettre des pays comme l'Inde et la Chine à lui verser donc l'impôt de capitation, l'État perse manifestait tous les aspects de la grandeur, de l'opulence et une grande puissance militaire mentionnée à maintes reprises par les historiens et que nous verrons de manière effective lorsque nous parlerons des guerres menées par les musulmans contre cet État, Inch'Allah. Donc nous devons donc imaginer un petit pays faible, déchiré par une guerre civile, et qui verrait donc son président, à la suite du dénouement de cette guerre-là, de cette guerre civile-là, et de la stabilisation de la situation, envoyer immédiatement un messager à l'un de ses commandants situé dans l'une des contrées de l'État et en lui ordonnant de se préparer pour partir conquérir les États-Unis par exemple ou la Russie. Parce que effectivement l'Iran, enfin la Perse, l'Empire perse était considéré comme un des plus grands empires du monde à l'époque, c'est-à-dire l'Empire perse et l'Empire romain, qui est aujourd'hui les deux plus gros États sont les États-Unis et la Russie. C'est-à-dire que le rapport de force en termes de nombre d'armement et d'équipement était grandement en faveur des Perses. Et subhanallah, il est étonnant de voir la décision de Abu Bakr d'envoyer au front l'armée d'Oussama ibn Zayd pour combattre les Byzantins, et ce malgré l'émergence de l'apostasie et l'ampleur que prenait cette dernière. Malgré ça, il resta ferme en prononçant cette parole: je ne laisserai pas une armée dépêchée par le messager d'Allah alayhi salatu wasalam avant son décès. Et un autre fait donc comparable est sa prise de décision face aux guerres d'apostasie qui avaient pris de l'ampleur dans toute la péninsule arabique. Toutes ces prises de position furent cruciales et importantes dans l'histoire de la communauté islamique. Plus étonnante encore est la planification surprenante d'Abu Bakr Siddiq et sa décision de conquérir la Perse, et particulièrement à cette époque-là. Et subhanallah, on mentionne également sa décision, quelques mois plus tard, de se lancer à la conquête de l'Empire romain, qui était en ce temps-là la deuxième plus grande puissance du monde. Tout ça, Abu Bakr l'a fait en l'espace de 2 ans et demi. durant, qu'a duré son califat. Ceci étant dit, voyons quel était le plan établi par Abou Bakr pour mener à bien les conquêtes et sa recommandation au commandant des armées musulmanes. Dans une réaction inattendue, Khalid ibn Walid n'envoya pas de réponse, ni de demanda d'explication, concernant le contenu étonnant de la lettre de Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Au contraire, il envoya des messages à destination des armées islamiques qui l'entouraient afin de les réunir. Et ensuite, il envoya également un message à l'attention de Hormuz, qui était l'émir perse de la région de El-Ubulla. C'était un port situé au bord du littoral arabique au sud de l'Irak, et dans lequel il le menaçait et lui promettait la défaite. Depuis Médine, Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu avait planifié la conquête de la Perse avec une manœuvre faisant effet de tenaille afin que son épilogue se déroule à Al-Hira, qui était la plus grande ville perse après la capitale et qui se situait à environ une centaine de kilomètres de cette dernière. Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ordonna donc à Khalid ibn Walid de se diriger vers l'Irak afin de la conquérir par le sud jusqu'à parvenir à Al-Hira. Et au même moment, il écrivit à Iyad ibn Ghanam, qui se trouvait dans la région de Al-Hira, en lui ordonnant d'entrer en Irak par le nord et de tout conquérir sur son chemin jusqu'à parvenir également à Al-Hira. Abou Bakr dit, en s'adressant à ses deux commandants, le premier qui parviendra à Al-Hira sera l'émir de son compagnon. Et donc, une fois rassemblé à Al-Hira, et après avoir forcé les forteresses perses et sécurisé l'arrière-garde musulmane afin qu'il ne soit pas attaqué de ce côté-là, alors que l'un d'entre vous soit un soutien pour les musulmans et pour son compagnon à Al-Hira. Quant à l'autre, qu'il effectue une percée contre l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et le vôtre parmi les Perses, dans leur fief et le symbole de leur gloire, la ville de Mada'i. Et donc c'était là le plan ingénieux de la part de Abou Bakr As-Siddiq, qui voulait par là encercler les forces perses à l'ouest de Bagdad et un bracelet autour d'un poignet. Et de sorte que ces forces combattent l'une des deux armées, tout en restant hantées par la peur et l'angoisse d'essuyer une offensive de la seconde armée qui était derrière. Et donc, de plus, ce plan-là, il avait pour but de jeter la confusion dans l'esprit des Perses et de leurs commandants. Pourquoi ? Dû au fait qu'ils ignoraient les objectifs ainsi que les desseins de chaque armée. Cela rendait donc difficile le fait de dispatcher leurs forces à la rencontre des deux armées en même temps. Et donc, également, ce plan avait aussi pour objectif de ne pas passer par un seul chemin, mais plutôt par deux chemins différents, ce qui leur permettrait d'obtenir une grande proportion d'eau et de pâturage que s'ils n'avaient emprunté qu'un seul chemin. Et bien plus que ça, une telle planification allait créer un esprit de concurrence loyale entre l'armée de Khalid ibn Walid et celle de Iyad ibn Ghanam, afin de savoir qui allait concrétiser la victoire et parvenir en premier à Al-Hira, stimulant ainsi la motivation et l'enthousiasme dans les cœurs. Et donc, après ce plan parfaitement élaboré, Abou Bakr Siddiq n'occulta pas le fait de promulguer quelques recommandations importantes qui, si elle ne devait indiquer qu'une seule chose, ce serait au minimum sa sagesse, ainsi que sa clairvoyance, qui restera au fil du temps un modèle pour captiver les troupes. Et parmi ce qu'elle contenait, je cite, il leur dit, demandez l'aide d'Allah et craignez-le. Préférez l'au-delà à la vie mondaine et vous réussirez dans les deux. Et ne faites pas prévaloir la vie mondaine, sinon vous perdrez les deux. Je vous recommande des choses recommandées par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de délaisser les péchés et de vous précipiter à vous repentir. Et surtout, soyez sur vos gardes concernant le fait de persévérer dans vos péchés et de retarder le repentir. Fin de citation. Voici réellement l'arme des musulmans pour combattre les Perses. Et pour tout combat qu'ils mèneront, tout individu qui fait prévaloir l'au-delà sur la vie mondaine obtiendra certes les deux. Tandis que s'il cherche la vie mondaine, alors il perdra les deux. Et tout comme il doit se hâter vers le repentir en délaissant les péchés et autres désobéissances. Ceci est valable à chaque instant de la vie. Et particulièrement dans de telles circonstances où les trésors, les biens et les richesses sont en prolifération et que ce monde, ce bas monde, est sur le point de s'ouvrir à eux par la conquête de la Perse. Et donc après avoir montré l'arme à utiliser afin de mener la bataille, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu se devait d'éclaircir un point qui permettrait de préserver les deux armées et serait une cause d'obtention rapide de la victoire. C'est pourquoi il écrivit à Khalid ibn Walid et à Iyad ibn Ghanam après qu'ils aient envisagé le départ en leur disant: permettez le retour à ceux qui désirent revenir et ne craignez personne. Ne mobilisez au combat que ceux qui ont participé à la bataille contre les apostats et se rester fermes sur leur islam après la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Qu'aucune personne ayant apostasie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne participe avec vous au combat jusqu'à ce que je le décide. Fin de citation. Donc malgré cette période difficile qui exigeait un grand nombre de soldats, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu n'a pas oublié que le but ultime des conquêtes et de manière générale est l'anéantissement du paganisme et de l'idolâtrie sous toutes ses formes. Et pour cela, il voulait que son armée ne soit composée que de combattants restés fermes sur leur islam au moment où les autres avaient été éprouvés dans leur foi en finissant par apostasier. Wal'iyadu billah. Tel fut le cas. Et aucun de ceux ayant par le passé abjuré leur foi ne participa aux batailles jusqu'à ce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu de leur permettre par la suite. Mais ceci uniquement lorsque l'islam fut solidement ancré dans les cœurs. Et ensuite, ceux de Médine et ses alentours, à qui l'on avait permis donc de revenir, le firent afin que personne ne soit forcé à se battre contre son gré, comme l'avait stipulé Abu Bakr Siddiq. Il voulait, derrière un tel ordre, préserver les deux armées de toute fracture, mais au contraire, les voir combattre animés par une foi inconditionnelle. Et cela a eu pour conséquence une diminution du nombre de soldats au sein des forces des deux armées, à tel point qu'il ne resta seulement avec Khalid ibn Walid à Nibaj que 2000 combattants, 2000 soldats. Et il est impératif de marquer l'arrêt ici, pour évoquer le thème des guerres d'apostasie, et faire la corrélation avec ce qu'on voit aujourd'hui, à notre époque. Il est bien connu aujourd'hui que l'État islamique, aujourd'hui, est accusé de rendre mécréants des musulmans qui ne le méritent pas, et notamment des factions appartenant à l'opposition syrienne. Rappelons donc comment ont eu lieu les guerres d'apostasie à l'époque du calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, et quelle en fut la raison. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayhi relate les événements comme suite. Il dit, je cite, « Une fois que les Arabes se soumirent à son autorité, embrassèrent l'islam en masse et se mirent à combattre les non-arabes, Allah décida que l'heure du prophète Mohammed al-Salam était venue, après y avoir vécu 10 ans à Médine. C'est alors que survint la période notoire de l'apostasie. En effet, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut, la plupart des musulmans apostasèrent. Ce fut une épreuve terrible au cours de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, par la cause d'Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, fit rester ferme sur sa religion celui à qui il accorda la fermeté. Durant cette épreuve, il prit une position dans laquelle aucun autre compagnon ne l'égala. Il leur rappela ce qu'ils avaient oublié, leur enseigna ce qu'ils ignoraient et les encouragea lorsqu'ils eurent peur. Allah Ta'ala raffermit donc par lui la religion de l'islam. Puisse Allah faire de nous des suiveurs de son modèle, ainsi que de ses compagnons. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit: oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie sa religion, Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime. Modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur, telle la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Sourate 5, verset 54. Al-Hasan al-Basri, radiyallahu anhu, a dit: par Allah, ce verset désigne Abu Bakr et ses compagnons. Donc cette apostasie se présentait ainsi. Les Arabes se divisèrent en plusieurs catégories d'Arabes, en plusieurs catégories d'apostats. Certains se retournaient à l'adoration des statues en disant: s'il était vraiment un prophète, il ne serait pas mort. Un autre groupe a dit: nous avons foi en Allah, mais nous ne prions plus. D'autres ont accepté l'islam et prié, mais ils ont refusé de donner la zakat. D'autres ont attesté qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, mais ils crurent en la prophétie de Musaylamah al-Kadhdhab, qui prétendait que le prophète l'avait associé à la prophétie. Ceci pourquoi? Parce que Musaylamah avait pris des témoins qui attestèrent de cela. Et il y avait parmi eux un homme appelé Rajjal, qui était un des compagnons du prophète sallam avant et qui était connu pour sa science et sa piété. Et ils crurent donc en son témoignage à cause de ce qu'ils voyaient en lui comme science et comme piété. Le cheikh Mohammed ibn Abdelwahab continue en disant: un peuple du Yémen crut en Al-Aswad, Al-Ansi, lorsqu'il prétendit être également prophète. D'autres crurent en Tulayha Al-Asadi. Et aucun compagnon ne douta de la mécréance de ceux que nous avons mentionnés, ni sur l'obligation de les combattre, excepté pour ceux qui ont refusé de donner la zakat. Lorsque Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu se résolut à les combattre, il lui fut dit: comment peux-tu les combattre alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah, jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah. S'ils disent la ilaha illallah, alors leur sang et leurs biens seront sacrés en ce qui me concerne, sauf pour un droit de cette attestation. Et Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu de répondre: la zakat fait partie des droits de l'attestation qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Par Allah, s'ils refusent de me donner ne serait-ce qu'une corde qu'ils donnaient au messager d'Allah alayhi salatu wasalam, je les combattrai pour cela. Et sur ces mots, l'ambiguïté des compagnons fut levée et ils surent l'obligation de les combattre. Et ils les combattirent donc, et Allah leur donna la victoire sur eux. Ils en tuèrent parmi eux et prirent leurs femmes et leurs enfants comme esclaves. ونكتفي على هذا القدر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.